Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la libération de Paris. Bravo, merci, oh, nous sommes tellement contents. Very happy. Et vous, monsieur, dites-nous quelque chose. Je suis très émotionné de voir toute cette belle armée qui nous fait réellement notre joie à tous. Et je crie vive la France et vive les alliés. Quelques Parisiens criant leur joie et entonnant la Marseillaise à la libération de Paris au mois d'août 1944, la libération de Paris reste l'un des événements marquants de l'histoire du 20e siècle. La libération de la ville Lumière reste aussi symboliquement un temps fort de la victoire des Alliés sur l'Allemagne hitlérienne. Mais au-delà des scènes de liesse et des cris de joie, la libération de Paris donnera lieu à de profondes divergences de vues entre le général de Gaulle et le général Eisenhower, en plus d'opposer gaullistes et communistes dans cette opération de libération. Ici Marcel Ouimet de Radio-Canada qui vous parle de Paris. Oui, de Paris enfin délivré, complètement libéré. Non, jamais de toute mon existence, je n'oublierai la chevauchée que nous avons faite de la porte d'Italie à la place de l'Opéra dans notre petite voiture. La foule était si dense à certains endroits qu'on avait mal à passer, qu'on n'avait pas assez de mains pour serrer toutes celles qui se tendaient. Les Parisiens, comme les Parisiennes, nous embrassaient, nous disaient merci avec cette spontanéité et cette sincérité qui est la leur. Il y avait des rires, des chants, de folles acclamations. Nous avions suivi en partie le cortège des voitures qui transportaient le général de Gaulle et quelques-uns de ses collaborateurs les plus étroits. Et à tout moment, la Marseillaise fusait de toutes les poitrines. Une Marseillaise vibrante, poignante, étourdissante même qui vous arrachait les larmes. Le jour de gloire était arrivé. Récompense de tous ceux qui n'avaient pas désespéré, surtout de l'homme qui a vu grand et loin, le général de Gaulle. La joie est grande à la libération de Paris en 1944 et on peut sentir même l'émotion du journaliste Marcel Ouimet qu'on vient d'entendre dans un reportage diffusé le 27 août 1944 pour nous raconter la libération de Paris et le contexte qui va y mener en août 1944. Mon invité Frédéric Bastien, professeur d'histoire au Collège Dawson. Frédéric Bastien, bonjour. Bonjour. Un mot d'abord pour parler de ce que ça représente pour les Français cette libération de Paris. Et qu'est-ce que ça représente, cette libération de Paris aussi, dans la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie? Bien, c'est un moment fort, même si au niveau militaire, c'est pas un événement décisif là, qui fait... C'est pas une grande bataille. Non, voilà, c'est pas une grande bataille, c'est pas un moment tournant où vraiment tout devient possible du jour au lendemain, là, après la prise de Paris, non, mais... La conquête de Paris en 1940 par l'Allemagne, la conquête de la France, devrait dire, avec la prise de Paris, évidemment, comme symbole de toute cette conquête, avait été un moment sombre de la Deuxième Guerre mondiale. Une grande meurtrissure. Oui, exactement, parce que pour Paris étant cette ville avec cette réputation, avec cette aura, etc., non seulement pour les Français, bien sûr, mais pour le monde entier, pour le monde occidental. Et donc, autant la conquête de la France et la conquête de Paris par les Allemands avait été un moment sombre, alors inversement, oui. Évidemment, la libération marque un moment de réjouissance extrêmement fort, où on sent que ça avance dans le bon sens et que donc c'est cette grande ville si importante, si mythique et libérée des nazis, évidemment. Symbole important. Voilà, exactement. La guerre achève aussi, il y a ça dans l'équation. On sent que c'est fini, là. Les Alliés marchent vers l'Allemagne. Oui, absolument, absolument. Ouais. Alors, cela dit, cette capitulation des Allemands à Paris, elle se fait, elle est signée le 25 août 44, mais la libération, le mouvement de libération à Paris commence un peu avant, au mois d'août. Quand est-ce que ça commence et dans quelles circonstances ça commence, Frédéric Bastien? Oui, alors évidemment, il y a en juin 1944, au début juin, il y a le débarquement des Alliés en Normandie, les Alliés qui vont avoir peiné une fois débarqués en Normandie, ils vont être confinés pendant quelques semaines pas sur les plages, mais ils vont pas pénétrer beaucoup en territoire français. Finalement, ils vont finir par percer les lignes allemandes en juillet. Et là, évidemment, la porte s'ouvre vers Paris, d'autant plus que les Alliés aussi débarquent dans le sud de la France. Et c'est là, vite, là. Oui, c'est ça. Là, ça commence à aller très vite. Ouais. Et là, évidemment, là, c'est là que la question de la libération de Paris se précise, et la question de la libération de la France de façon plus générale. Alors, il y a deux groupes qui se sont un peu illustrés dans la lutte aux nazis. Il y a les gaullistes, donc ceux qui sont dirigés par le général de Gaulle, qui a réussi à réunir une partie de la résistance intérieure en France à son... au sein d'un mouvement plus large qu'il dirige. Mais il y a aussi les communistes. Les communistes qui sont donc dirigés, qui prêtent allégeance à Moscou, donc à Staline, à l'URSS, qui eux aussi en ont mené très large dans la lutte, qui se sont illustrés dans la lutte contre l'occupant nazi. Et eux aussi, donc eux comptent également s'imposer à la libération. Alors, ouais. Si vous voulez, la question c'est qui va être en charge de la France une fois qu'elle va être libérée? Alors, c'est ça l'enjeu qui se pose du point de vue de Gaulle, du point de vue des communistes. Donc, derrière la libération de Paris, la libération de la France, il y a quel est le pouvoir qui va s'imposer en France une fois le pays libéré. Et cette lutte pour ce pouvoir après la guerre commence donc par, dès le mois d'août, les deux groupes, en fait, les deux groupes de qui ont fait la résistance, gaullistes et communistes, s'affrontent en quelque sorte, se font concurrence. Il y a des mouvements d'insurrection. Avant que Eisenhower envoie l'armée dans Paris pour libérer Paris, c'est ces deux groupes-là, ces deux factions françaises qui se font concurrence pour libérer Paris. Oui, absolument. Alors là, les communistes, en fait, comptent préparer une insurrection de Paris et s'imposer comme les libérateurs de Paris, ce qui évidemment leur vaudrait une aura politique extrêmement forte. Et de Gaulle, dans ce scénario, de Gaulle s'en serait réduit à arriver dans un Paris libéré par les communistes, et là, il ne serait pas en contrôle de la capitale. Ça serait, politiquement parlant, ça serait très gênant. Ouais. Et donc, il y a des forces françaises de résistance. Donc, il y a des communistes à Paris, dans les clandestins, l'armée clandestine qui lutte contre les Allemands. Et il y a aussi une faction gaulliste. Et donc là, les gaullistes vont finir par lancer eux-mêmes l'insurrection à Paris. Avant les communistes, c'est ouais. ça. Même si les résistants dans Paris, que ce soit les communistes ou les gaullistes, ou même les deux ensemble, ne sont pas assez forts pour vaincre les ouais. Allemands. Donc, il y a ce problème-là, c'est qu'une fois que l'insurrection est lancée, s'il n'y a pas une intervention extérieure pour les aider, ils risquent d'être écrasés, comme ça a été le cas d'ailleurs pour les résistants polonais ouais. qui ont été écrasés par les Allemands à Varsovie. Mais ça montre l'impatience de la libération, et ça, de Gaulle en est, il veut que Paris soit libéré rapidement, ça montre ça, puis ça montre cet affrontement là, entre ces deux factions qui ont participé à la résistance française. Et si... cette insurrection, ce mouvement d'insurrection arrive avant les forces alliées, c'est qu'Eisenhower, le général Eisenhower, qui est le grand commandant des forces alliées, veut pas, lui, libérer Paris tout de suite. Il contourne Paris, en fait. Il décide d'aller le plus vite possible vers l'Allemagne. Pourquoi? C'est quoi la stratégie d'Eisenhower? Oui, alors la stratégie d'Eisenhower est la suivante. C'est que lui, il compte, effectivement, comme vous le dites, contourner Paris. Lui, il se dit, on va porter le coup fatal en territoire allemand. Profitons-en, ça va bien. Ça va extrêmement bien. C'est vraiment, ça avance là, à vitesse grand V. Donc, il s'imagine qu'il va y avoir un effondrement allemand très, très rapidement. C'est une question de semaines, maximum de quelques mois. Donc, on vivra avec, en quelque sorte, Paris toujours occupé un peu derrière les armées qui avancent. Et puis, et donc, il voit ça dans une perspective strictement militaire, autrement dit. Parce que Paris, c'est à l'époque quand même, quoi, le Grand Paris, 4 millions d'habitants à peu près. Oui, c'est ça, 4 millions d'habitants. Et il se dit aussi, si on prend la ville, ça pourrait être une bataille coûteuse et il va falloir nourrir la population. C'est un paquet de troupes. Oui, finalement. C'est ça. Et il y a des problèmes d'approvisionnement aussi. C'est que les troupes alliées, les installations portuaires dont les alliés disposent en Normandie sont insuffisantes pour amener tout l'immense matériel, l'énorme quantité de matériel de guerre, de toutes sortes de choses dont les armées alliées ont besoin. Et ça ralentit l'avance alliée. Donc, si en plus, on ajoute qu'on devra fournir, approvisionner une ville de 4 millions d'habitants, alors on se dit, la difficulté va être encore plus grande. Et militairement parlant, ça va nous drainer. Mais ça va donner, ça, cette stratégie d'Eisenhower, de vifs échanges, pour rester poli, entre lui et le général de Gaulle. De Gaulle veut la libération de Paris, veut une libération rapide de Paris, et chose importante pour lui aussi, il veut une libération de Paris par les troupes du général Leclerc, par des Français. Pourquoi? Pourquoi c'est important pour lui que ce soit vite et par des Français? Voilà, alors c'est une très bonne question. D'abord, il veut que ça soit vite parce que, d'abord, il veut pas qu'il y ait une catastrophe à Paris. Une fois l'insurrection lancée, et elle se prépare, elle va arriver, les communistes vont la lancer. Il craint que, bon, les Allemands, s'il n'y a pas une aide extérieure, les Allemands vont réussir à exterminer la résistance. Deuxièmement, évidemment, il craint que les communistes réussissent à s'imposer. Et lui, il a des troupes, des forces françaises libres qui sont équipées par les Américains, la 2e division blindée du général Leclerc. Et lui se dit, il faut que les alliés y aillent très rapidement à Paris. Et en plus, il faut que ce soit les forces françaises du général Leclerc qui arrivent pour symboliquement montrer que ce sont des Français qui relèvent du général de Gaulle, donc des forces françaises de l'intérieur, qui sont affiliées au général de Gaulle, pour justement montrer que ce sont les gaullistes qui ont joué le rôle majeur. Et il ne doute pas que si ce sont ces forces-là qui participent à la libération de Paris, il va pouvoir s'imposer. Justement. Donc, il y a un calcul très politique. C'est pour sa propre gloriole, si je puis dire. Mais c'est plus que ça, honnêtement. C'est aussi par... Il y a un caractère très nationaliste là-dedans. Il faut que ce soit des Français qui libèrent les Français. C'est un peu ça aussi. Oui, il y a ça aussi. Et bien, donc, une question symbolique. Ouais. Mais aussi, le calcul politique, si c'est les forces françaises libres, les communistes ne pourront pas s'imposer. Ouais. Et ça, il le sait. Et il presse à Eisenhower, qui lui dit ça, c'est des considérations politiques. Moi, j'ai pas à me mêler de ça. Et là, De Gaulle n'est pas content. Il va même lui dire, à un moment donné, lui dire avec une lettre, vous serez tenu responsable si jamais ça tourne mal à Paris. C'est vous qui allez porter le poids de ça. Parallèlement à cette négociation entre De Gaulle et Eisenhower, il y a du côté allemand, pas de négociation, mais en tout cas une série d'échanges entre Hitler qui veut et qui demande au général von Scholtitz, qui est en place à Paris à ce moment-là, qui lui demande la destruction de Paris. On dit, beaucoup de choses ont été écrites et dites à ce sujet-là, on dit que c'est von Scholtitz qui va finalement sauver Paris de la destruction. Qu'est-ce qui appartient au mythe et qu'est-ce qui appartient à la réalité dans cette histoire-là, Frédéric Bastien? Bien, il se passe qu'il y a ce général nazi, Scholtitz, qui a été un homme assez brutal, un nazi obéissant, etc. Et Scholtitz rencontre Hitler juste avant de prendre son commandement. Et donc, Hitler veut comme un peu le briefer, si vous me passez l'anglicisme, sur ce qu'il doit faire. Donc, justement, détruire la ville si les Alliés viennent à être proches de s'en emparer. Et donc, il va rencontrer Hitler, et là, il va trouver qu'Hitler est rendu comme un fou furieux, il vocifère, il bave, il y a de la commissure aux lèvres, et ça va faire une très, très mauvaise impression à Scholtitz. Il va dire, j'étais convaincu que c'était un fou furieux. Et là, il va se dire, est-ce que vraiment je vais vraiment suivre les ordres de ce fou furieux? Est-ce que je veux passer à l'histoire comme étant celui qui va avoir détruit Paris? Ça va être la seule chose, on va se souvenir de moi, etc. Et donc, Scholtitz commence à avoir des doutes. Et un personnage qui va un peu s'interposer, lorsque l'insurrection va commencer, il y a un diplomate suédois du nom de Nordling qui va dire à Scholtitz, bon, vous devriez d'abord pas suivre les ordres de détruire Paris, bien sûr, et essaie de négocier une trêve entre les résistants et les Allemands dans Paris, en proie aux luttes entre résistants et Allemands. Et donc, Scholtitz va finir par un peu suivre les conseils de Nordling qui lui dit essayer de gagner du temps. Bon, il va faire semblant qu'il suit les ordres, mais il va trouver toutes sortes de prétextes pour dire là, j'ai pas eu le temps de tout détruire parce que voilà, je suis trop occupé à lutter contre les résistants. Le moment n'est pas venu, etc. Donc, on lui doit véritablement le fait d'avoir sauvé Paris. Absolument. Il s'est mis à procrastiner pour ne pas suivre les ordres d'Hitler. Eisenhower va finalement décidé de libérer Paris. Pourquoi? Qu'est-ce qui sera décisif? Bien, justement, d'abord, le fait que l'insurrection pourrait être écrasée par les Allemands, le fait que ça pourrait devenir une grande catastrophe et que, comme lui dit De Gaulle, vous serez tenu responsable. Et ça, oui, ça m'a interpellé Eisenhower. Alors, autant Scholtitz, lui, se dit, moi, je risque de passer à l'histoire comme le type qui a détruit Paris. Et là, Eisenhower se dit, moi, je risque de passer dans l'histoire comme le type qui a abandonné Paris. Ouais. Alors là, ça finit par le faire réfléchir. Ce qui fait que les Alliés feront leur entrée dans Paris, finalement, dans la soirée du 24 août. Nous ayons vu au cours de cette soirée les nerfs à fleur de peau. Je suis un peu calmé, mais je suis encore très ému et surtout, c'est maintenant que je réalise la grandeur de ce que j'ai vu. Permettez-moi d'employer un autre mot que la grandeur, l'énormité de ce que j'ai vu, car enfin, nous, mes camarades de la résistance et moi-même, luttons depuis 4 ans pour obtenir de voir ce que j'ai vu il y a quelques instants. Vous savez ce que j'ai vu, mais oui, vous le savez, vous le comprenez bien. J'ai vu 2 blindés et pendant une minute, peut-être une seconde, un centime de seconde, j'ai cru imaginer, mais non, c'était deux blindés de la division Leclerc, avant-garde de l'armée de la Libération. C'était deux blindés montés par des soldats français qui, depuis 4 ans, se battent avec les alliés sur tous les fronts du monde. Alors, comment ça se passe, Frédéric Bastien? C'est fascinant. Petite parenthèse, mais le ton des journalistes à l'époque, là, ils sont aussi en guerre et ils attendent eux aussi la libération. Comment ça se passe concrètement, cette libération de Paris? Ça commence dans la soirée du 24 puis ça se poursuit le 25 août. Oui, alors la division Leclerc se voit finalement donner l'ordre de marcher sur Paris. Ils n'en étaient pas très éloignés. Et en fait, ça va aller assez rapidement, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de résistance militaire vraiment forte de la part des Allemands. Ils savent que c'est perdu. Oui. Ce qui va les ralentir un peu, c'est l'incroyable enthousiasme des gens qui voient les premiers soldats alliés arriver, cette division française. C'était très émouvant. Les gens enlevaient leur montre pour la donner aux soldats, comme si les soldats en avaient besoin. C'était toutes les 4 ans d'humiliation des Français subis aux mains des Allemands. Tout à l'heure, on entendait le journaliste M. Ouimet. C'est tous les gens qui ont assisté à cet événement rapportent tous cette incroyable liesse populaire, ouais. Cette espèce de communion. C'est la libération dans tous les sens et on l'attend depuis longtemps. Ça se fait donc la capitulation comme telle. Le 25 août 1944, l'Allemagne capitule à Paris. L'acte de capitulation est signé vers 15h30. C'est très documenté, c'est très précis. Absolument. À la gare Montparnasse. Un peu plus d'une heure après, de Gaulle se présente en grand vainqueur devant l'hôtel de ville de Paris et il va de ce désormais célèbre discours. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même. Libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Le général de Gaulle, donc, à peine une heure, un peu plus d'une heure après la signature de l'acte de capitulation de l'Allemagne à Paris. Parenthèse, mais il ne sera pas très fier. Ce discours-là, on va lui resservir toute sa vie, Frédéric Bastien. Il n'en est pas très content, de Gaulle. Non, il trouvait que son ton de voix était trop aigu. Enfin, bref, là, quand on le lui resservait, parce que tout le monde a vu là un discours très historique, évidemment, et ça l'était, lui, ça l'agaçait un peu. Alors, mais bon. Mais c'est énorme pour lui. Qu'est-ce que ça représente, cette libération, cette victoire de Paris? Ben lui, de Gaulle, était parti de rien en 1940. C'était un ministre junior dans le dernier gouvernement de la Troisième République. Il avait lancé son mouvement, il était complètement seul. Alors, la libération de Paris, et en particulier le défilé de la victoire le 26 août, c'est vraiment le moment le plus fort de toute sa carrière politique. Et Dieu se sait qu'il y a eu des rebondissements dans sa carrière politique. Ça a été son moment de triomphe, comme un triomphateur romain ne l'aurait jamais connu avant, ne l'a pas connu avant lui ou depuis, je ne sais pas. Mais... Et on en a un petit aperçu de ce que ce sera pour lui, ce fameux défilé du 26 août dans les rues de Paris. Écoutez ce reportage, ce compte-rendu de Robert Marcillac, le journaliste Robert Marcillac. Ça commence au moment, puis on y reviendra, parce qu'il y a deux choses dans cet extrait. Il y a évidemment ce que de Gaulle est devenu en France. Vous allez l'entendre très bien dans le commentaire du journaliste. Mais il y a le désordre aussi, encore un peu de désordre dans les rues de Paris. Et ça commence, cette correspondance, au moment où de Gaulle fait son entrée à Notre-Dame de Paris. Vous entendez d'ailleurs les gens qui applaudissent. Le général de Gaulle fait son entrée, il relève les chaises, il a échappé miraculeusement à cet attentat. Le général de Gaulle, très calme, malgré les coups de feu, malgré les coups de pétard, avance vers le chœur. Il atteint actuellement le chœur et le sacristain lui présente son fauteuil. C'est d'ailleurs le fauteuil présidentiel, et je le dis ici, le président de la République. Il se tient droit sous la mitraille, il est vraiment magnifique. Les gens se camouflent sous les chaises. Les gens se camouflent sous les chaises, mais heureusement, mes chers auditeurs, tout au moins dans l'église, il n'y a pas de victimes jusqu'à présent. Ces bandes de salauds qui tirent depuis déjà 2 ou 3 jours sur les toits, quelques-uns s'étaient dissimulés dans les galeries et avaient essayé de faire le coup de feu sur le général de Gaulle jusque dans l'église même, profanant ainsi ce lieu sacré. Cette cathédrale de Paris, cette cathédrale de France. Malgré cela, vous entendez les chants. Malgré cela, vous entendez les chants religieux qui commencent. C'est vraiment inouï, la richesse de ces documents d'archives, parce qu'on entend vraiment tous les événements, mais plus que ça, l'esprit, l'état d'esprit dans lequel tout le monde, la presse incluse, se trouve à ce moment-là. Et il y a deux choses au moins dans cet extrait, Frédéric Bastien. Il y a encore du désordre à Paris à ce moment-là. Vous l'avez dit, ça se fait assez facilement militairement, la libération de Paris, mais il y a quand même encore du désordre, là, aux Champs-Élysées, un peu partout dans Paris. Il y a quelques poches d'Allemands qui résistent. Et puis, cette vénération qu'on a à ce moment-là pour le général de Gaulle. Il est magnifique, dit le reporter. Oui, absolument. C'est que de Gaulle, lui, pour répondre à vos deux, ajouter ou expliquer un peu à ce que vous venez de soulever, de Gaulle représente la France qui n'a jamais abdiqué, la France qui s'est toujours battue, alors que les Français, eux, dans leur ensemble, ont été attentistes. Ils n'ont pas tous été à la hauteur de Gaulle, ils n'ont pas tous été dans la résistance. La grande majorité a été attentiste. Certains ont collaboré, d'autres ont résisté, mais beaucoup ont été dans un entre-deux, passif. Ouais. Bon, ils n'aimaient pas les Allemands, bien sûr, ils se sentaient humiliés, mais alors lui, cet homme-là, Pétain, quelques mois auparavant, avait été acclamé dans Paris. Alors, il y a un paradoxe, mais donc là, c'est une façon, en acclamant de Gaulle, de laver un peu leur honneur, d'essayer de... Et donc, ça explique la force du triomphe de Gaulle. Ça, c'est une première chose. Et donc, pour un peu oublier tout ce qui s'était passé et le fait qu'on n'a pas toujours été à la hauteur. Et deuxièmement, ce que vous dites, les tirs. Alors, il y a des tirs, c'est pas clair d'où ça vient. Et de Gaulle, lui, évidemment, tout était toujours calculé. Toujours. Il décide de pas se coucher par terre, montre l'exemple, montre qu'il n'a pas peur. Et il sait très bien. Et les journalistes qui le suivent, notamment un journaliste américain, va dire, là, il a la France dans sa main. Mm-hmm. Après cette journée-là, notamment à Notre-Dame, il a montré qu'il n'avait pas peur, qu'il était insensible au danger. Et ça renforce encore son aura. Alors, il est encore magnifié par l'appui populaire et par son attitude alors qu'il y a du danger. Oui. Frédéric Bastien, professeur d'histoire au Collège Dawson, merci infiniment de votre participation à l'émission. Merci beaucoup. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, stagiaire à la recherche Antoine Gauthier-Trépanier, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Guy Charbonneau. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.